Poème 37. César Borgia. Des poèmes saturniens de Paul Verlaine. Lu pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Portrait en pied. Sur fond sombre, noyant un riche vestibule, où le buste d'Horace et celui de Tibulle, lointain et de profil, rêve en marbre blanc, la main gauche au poignard et la main droite au flanc, tandis qu'un rire doux redresse la moustache, le duc César, un grand costume, se détache. Les yeux noirs, les cheveux noirs et le velours noir vont contrastant parmi l'or somptueux d'un soir, avec la pâleur mate et belle du visage, vue de trois quarts et très ombrée, suivant l'usage des Espagnols ainsi que des Vénitiens, dans les portraits de rois et de patriciens, le nez palpite, fin et droit, la bouche rouge et mince, et l'on dirait que la tenture bouge au souffle véhément qui doit s'en exhaler. Et le regard errant avec laissé-aller, devant lui, comme il sied aux anciennes peintures, fourmille de pensées énormes d'aventure. Et le front, large et pur, sillonné d'un grand pli, sans doute de projets formidables remplis, médite sous la toque où frissonne une plume, s'élançant hors d'un nœud de rubis qui s'allume. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.